Annonce 3. Mesdames, messieurs, du 2 au 26 juillet au rayon vêtements, tout est soldé. N'attendez plus et profitez de remises allant de moins 30 à moins 70%.